Chapitre 5. La période la plus pénible de ma vie, ce fut de 12 à 18 ans. D'abord, mes parents essayèrent de m'envoyer au collège. Je n'y connus que misères et déboires. Au prix de difficultés épuisantes, j'arrivais à exprimer d'une manière quasi compréhensible les choses les plus usuelles. Ralentissant à grand effort mes syllabes, je les jetais avec maladresse et avec des accents de sourd. Mais dès qu'il s'agissait de quelque chose de compliqué, ma parole reprenait sa fatale vitesse. Plus personne n'arrivait à me suivre. Je ne pus donc pas faire constater mes progrès oralement. D'autre part, mon écriture était atroce. Mes lettres enjambaient l'une sur l'autre, et dans mon impatience, j'oubliais des syllabes, des mots. C'était un galimatia monstrueux. D'ailleurs, l'écriture m'était un supplice peut-être plus intolérable encore que la parole, d'une lourdeur, d'une lenteur asphyxiante. Si parfois, à force de peine, essuyant à grosses gouttes, j'arrivais à commencer un devoir, bientôt j'étais à bout d'énergie et de patience. Je me sentais évanouir. Je préférais alors les remontrances des maîtres, les fureurs de mon père, les punitions, les privations, les mépris à ce travail horrible. Ainsi, j'étais privé presque totalement de moyens d'expression. Objet de ridicule déjà par ma maigreur et ma teinte bizarre, par mes yeux étranges, je passais encore pour une manière d'idiot. Il fallut me retirer de l'école, se résigner à faire de moi un rustre. Le jour où mon père décida de renoncer à toute espérance, il me dit avec une douceur inaccoutumée. « Mon pauvre garçon, tu vois, j'ai fait mon devoir, tout mon devoir, ne me reproche jamais ton sort. » J'étais violemment émue. Je pleurais à chaudes larmes. Jamais je ne ressentis avec plus d'amertume mon isolement au milieu des hommes. J'osais embrasser tendrement mon père. Je murmurais. Ce n'est pourtant pas vrai que je suis un imbécile. Et de fait, je me sentais supérieur à ceux qui avaient été mes condisciples. Depuis quelque temps, mon intelligence avait pris un remarquable développement. Je lisais, je comprenais, je devinais, et j'avais d'immenses éléments de méditation, en plus que les autres hommes, dans cet univers visible pour moi seul. Mon père ne démêla pas mes paroles, mais il s'attendrit à ma caresse. « Pauvre garçon, » dit-il. Je le regardais. J'étais dans une détresse affreuse, sachant trop que jamais le vide ne serait comblé entre nous. Ma mère, par intuition d'amour, voyait en ce moment que je n'étais pas inférieure aux autres garçons de mon âge. Elle me contemplait avec tendresse. Elle me disait de naïve douceur venue du tréfond de l'être. Je n'en étais pas moins condamnée à cesser mes études. À cause de ma faible force musculaire, on me confia le soin des oies et du bétail. Je m'en acquittais en merveille. Je n'avais pas besoin de chiens pour garder des troupeaux où nul poulain, nul étalon n'était aussi agile que moi. Je vécus donc, de 14 à 17 ans, la vie solitaire des bergers. Elle me convenait mieux que tout autre. Livrée à l'observation et à la contemplation, et aussi à quelques lectures, mon cerveau ne cessa de s'accroître. Je comparais sans cesse la double création que j'avais devant les yeux. J'en tirais des idées sur la constitution de l'univers et j'esquissais vaguement des hypothèses et des systèmes. S'il est vrai que mes pensées n'eurent pas, à cette époque, une parfaite corrélation, ne formèrent pas une synthèse lucide, car c'étaient des pensées d'adolescents, incoordonnées, impatientes, enthousiastes, elles furent cependant originales et fécondes. Que leur valeur dépendît surtout de ma complexion unique, je me garderai bien de le nier, mais elles n'en recevaient pas toute leur force. Sans le moindre orgueil, je crois pouvoir dire qu'elle dépassait notablement, en subtilité comme en logique, celle des jeunes gens ordinaires. Seules elles apportèrent une consolation à ma triste vie de demi-paria, sans compagnon, sans communication réelle, avec tous ceux de mon entourage, pas même avec mon adorable mère. À 17 ans, la vie me devint décidément insupportable. Je fus là de rêver, là de végéter dans une île déserte de pensées. Je tombais de langueur et d'ennui. Je demeurais de longues heures immobile, désintéressé du monde entier, inattentif à tout ce qui se passait dans ma famille. Que m'importait de connaître des choses plus merveilleuses que les autres hommes, puisqu'aussi bien ces connaissances devaient mourir avec moi? Que me faisait le mystère des vivants, et même la dualité de deux systèmes vitaux se traversant l'un l'autre sans se connaître? Ces choses auraient pu me griser, me remplir d'enthousiasme et d'ardeur, si j'avais sous quelque forme pu les enseigner ou les partager. Mais quoi, vaine et stérile, absurde et misérable, elle contribuait plutôt à ma perpétuelle quarantaine psychique. Plusieurs fois je rêvais d'écrire, de fixer tout de même au prix d'efforts continus, quelques-unes de mes observations. Mais depuis que j'étais sortie de l'école, j'avais abandonné complètement la plume, et déjà si mauvais écrivailleur, c'est à peine si je savais tracer, en m'appliquant, les 26 lettres de l'alphabet. Si encore j'avais conçu quelque espérance, peut-être eussé-je persisté. Mais qui prendrait au sérieux mes misérables élucubrations? Où serait le lecteur qui ne me croirait fou? Où serait le sage qui ne m'éconduirait pas avec dédain ou ironie? À quoi bon dès lors m'adonner à cette tâche vaine, à cet irritant supplice, presque semblable à ce que serait, pour un homme ordinaire, l'obligation de graver sa pensée sur des tables de marbre avec un gros ciseau et un marteau de cyclope. Mon écriture à moi aurait dû être sténographique, et encore d'une sténographie plus rapide que l'usuel. Je n'avais donc point le courage d'écrire, et cependant j'espérais fervemment, je ne sais quel inconnu, quelle destinée heureuse et singulière. Il me semblait qu'il devait exister, en tel coin de la terre, des cerveaux impartiaux, lucide, scrutateur, apte à m'étudier, à me comprendre, à faire jaillir de moi et à communiquer aux autres mon grand secret. Mais où étaient ces hommes? Quel espoir de les jamais rencontrer! Et je retombais dans une vaste mélancolie, dans les désirs d'immobilité et d'anéantissement. Durant tout un automne, je désespérais de l'univers. Je languissais dans un état végétatif, d'où je ne sortais que pour me laisser aller à de longs gémissements, suivis de douloureuses révoltes. Je maigris davantage, au point d'en devenir fantastique. Les gens du village m'appelaient, ironiquement, « Den Heiligen Geist », le Saint-Esprit. Ma silhouette était tremblante, comme celle des jeunes peupliers, légère comme un reflet, et j'atteignais avec cela la stature des géants. Lentement, un projet se mit à naître. Puisque ma vie était sacrifiée, puisque nul de mes jours n'avait de charme et que tout m'était ténèbres et amertume, pourquoi croupir dans l'inaction? À supposer qu'aucune âme n'existât qui pût répondre à la mienne, du moins valait-il de faire l'effort pour s'en convaincre, du moins valait-il de quitter ce morose pays, d'aller trouver dans les grandes villes les savants et les philosophes. N'étais-je pas en moi-même un objet de curiosité? Avant d'appeler l'attention sur mes connaissances extra-humaines, ne pouvais-je exciter le désir de faire étudier ma personne? Les seuls aspects physiques de mon être n'étaient-ils pas dignes d'analyse? Et ma vue, et l'extrême vitesse de mes mouvements, et la particularité de ma nutrition? Plus j'y rêvais, plus il me paraissait raisonnable d'espérer, et plus ma résolution croissait. Arriva le jour où elle fut inébranlable, où je m'en ouvris à mes parents. Ni l'un ni l'autre n'y comprit grand-chose, mais tous deux finirent par céder à mes instances réitérées. J'obtins de pouvoir me rendre à Amsterdam, quitte à revenir si le sort m'était défavorable. Je partis un matin. Chapitre 6. De Zwartendam à Amsterdam, il y a une centaine de kilomètres environ. Je franchis facilement cette distance en 2 heures, sans autre aventure que l'extrême surprise des allants et venants à me voir courir d'une telle vitesse et quelques rassemblements aux abords des petites villes et des gros bourgs que je contournais. Pour rectifier ma route, je m'adressai 2 ou 3 fois à de vieilles gens solitaires. Mon instinct d'orientation, qui est excellent, fit le reste. Il était environ 9 heures quand j'atteignis Amsterdam. J'entrai résolument dans la grande ville. Je longeai ces beaux canaux rêveurs où vivent de douces flottilles marchandes. Je n'attirai pas autant l'attention que je l'avais craint. Je marchai vite, au milieu de gens occupés, endurant par-ci par-là les quolibets de quelques jeunes vagabonds. Je ne me décidai cependant pas à faire halte. Je parcourus un peu en tous sens la ville, lorsqu'enfin je pris la résolution d'entrer dans un cabaret sur un des quais du Herengracht. L'endroit était paisible. Le magnifique canal s'allongeait, plein de vie, entre de fraîches files d'arbres, et parmi les mudigons que je vis circuler sur ses rives, il me sembla en apercevoir d'espèces nouvelles. Après quelque indécision, je franchis le seuil du cabaret, et m'adressant au patron aussi lentement qu'il me fut possible, je le priai de vouloir bien m'indiquer un hôpital. L'hôte me regarda avec stupeur, défiance et curiosité, ôta sa grosse pipe de sa bouche et la remit à plusieurs reprises, puis finit par dire « Vous êtes sans doute des colonies ?» Comme il était parfaitement inutile de le contrarier, je lui répondis « En effet. » Il parut enchanté de sa perspicacité. Il me fit une nouvelle question. « Peut-être que vous venez de cette partie de Bornéo où l'on n'a jamais pu entrer ?»« C'est cela même. » J'avais parlé trop vite. Il écarquilla les yeux. « C'est cela même, » répétai-je plus lentement. L'hôte sourit avec satisfaction. « Vous avez de la peine à parler néerlandais, dites. Alors c'est un hôpital que vous voulez. Sans doute que vous êtes malade ?»« Oui. » Des consommateurs s'étaient rapprochés. Le bruit courait déjà que j'étais un anthropophage de Bornéo. Néanmoins, on me regardait avec beaucoup plus de curiosité que d'antipathie. Des gens accouraient de la rue. Je devins nerveux, inquiet. Je fis néanmoins bonne contenance et je repris en toussant. Je suis très malade. C'est comme les singes de ce pays-là, fit alors un très gros homme avec bienveillance. La Néerlande l'est-tu ? Quelle drôle de peau, ajouta un autre. Et comment voit-il ? Demanda un troisième en montrant mes yeux. Le cercle se rapprocha, m'enveloppa de son regard curieux, et toujours des nouveaux venus pénétraient dans la salle. Comme il est long ! C'est vrai que je dépassais les plus grands de toute la tête. Et maigre ! Ça n'a pas l'air de beaucoup les nourrir, l'anthropophagie. Toutes les voix n'étaient pas malveillantes. Quelques individus sympathiques me protégeaient. Ne le pressez pas comme ça, puisqu'il est malade. Allons, ami, du courage, dit le gros homme en remarquant ma nervosité. Je vais vous conduire moi-même à un hôpital. Il me prit par le bras. Il se mit en devoir de fendre la foule et jeta ces mots. Place pour un malade. Les foules hollandaises ne sont pas très farouches. On nous laissa passer, mais on nous accompagna. Nous longeâmes le canal, suivi d'une multitude compacte, et des gens criaient. « C'est un cannibale de Bornéo !» Enfin, nous atteignîmes un hôpital. C'était l'heure de la visite. On me mena devant un interne, jeune homme à lunettes bleues qui m'accueillit avec maussaderie. Mon compagnon lui dit « C'est un sauvage des colonies !»« Comment un sauvage ?» s'écria l'autre. Il ôta ses lunettes pour me regarder. La surprise le tint un moment immobile. Il me demanda brusquement « Est-ce que vous voyez ?»« Oui, je vois très bien. » J'avais parlé trop vite. « C'est son accent, » dit le gros homme avec fierté. « Répétez, ami. » Je répétai, je me fis comprendre. « Ce ne sont pas là des yeux humains, » murmura l'étudiant. « Et le teint ? Est-ce le teint de votre race ?» Alors je dis, avec un terrible effort de ralentissement, « Je suis venu pour me faire voir par un savant. »« Vous n'êtes donc pas malade ?»« Non. »« Et vous êtes de Bornéo ?»« Non. »« D'où êtes-vous alors ? »« de Zwartendam, près de Duisbourg. Alors pourquoi votre compagnon prétend-il que vous êtes de Bornéo ? Je n'ai pas voulu le contredire. Et vous voulez voir un savant ? Oui. Pourquoi ? Pour être étudié. Pour gagner de l'argent ? Non, pour rien. Vous n'êtes pas un pauvre ? Un mendiant ? Non. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir être étudié ? Mon organisation. Mais j'avais encore, malgré mes efforts, parlé trop vite. Il fallut me répéter. Êtes-vous sûr que vous me voyez ? Demanda-t-il en me regardant fixement. Vos yeux sont comme de la corne. Je vois très bien. Et allant de droite et de gauche, je pris vivement des objets, je les déposai, je les jetai en l'air pour les attraper. C'est extraordinaire, reprit le jeune homme. Sa voix adoucie, presque amicale, me pénétra d'espérance. Écoutez, dit-il enfin, je crois bien que le docteur Vandenhövel pourra s'intéresser à votre cas. Je vais le faire prévenir. Vous attendrez dans la chambre voisine. Et à propos, j'oubliais. Vous n'êtes pas malade, en somme. Pas du tout. Bon, tenez, entrez là, le docteur ne tardera guère. Je me trouvais assis parmi des monstres conservés dans l'alcool. Fœtus, enfant à forme bestiale, batracien colosse, saurien vaguement anthropomorphe. C'est bien là, pensais-je, ma salle d'attente. Ne suis-je pas candidat à l'un de ces sépulcres à l'eau de vie ?